3D, je serai toujours là pour toi. Quand j'aime quelqu'un, je suis michtonnable. Ce que je vis, c'est pour de vrai, c'est pas du cinéma. Ce soir, on sort, Jibril est libérable. 23-0. On m'a toujours dit que si les gens parlent dans ton dos, négro, tu peux être fier de toi. Quand tu agis pour toi, on dit que t'es mauvais. La vie des gens aujourd'hui, je m'en moque. Les hypocrites demandent mon aide, je leur dis non, je dis non. Majeur en l'air quand je dis non, je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans. Il sait qu'elle aime, mais elle dit non, elle dit non. Elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéf, donc il dit non, il dit non. C'est simple à comprendre, c'est pas compliqué. Tends bien l'oreille quand je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non. Je dis non. On m'a souvent dit que celui qui vivra verra. Je suis toujours là. Tu changes pour une meuf, t'es la pire des races. On voit que l'été arrive, on quitte les favelas. Plus de 20 degrés, chicha sur la terrasse. C'est obligé. Petit rappel à ceux qui disent qu'un jour tout se sait. Tout ne se sait pas, hélas. Quand tu agis pour toi, on dit que t'es mauvais. La vie des gens, aujourd'hui je m'en moque. Les hypocrites demandent mon aide, je leur dis non, je dis non. Majeur en l'air quand je dis non, je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans. Il sait qu'elle aime, mais elle dit non, elle dit non. Elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéf, donc il dit non, il dit non. C'est simple à comprendre, c'est pas compliqué. Tends bien l'oreille quand je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non, et je dis non. À qui tu me compares, maman, y'a même pas photo. C'est pas la chance, nous on est riches sans jouer au loto. Évident comme pour les plaisiries avec un logo. Est-ce que si j'enlève son filtre, elle est quitte au bord, yeah. Les hypocrites demandent mon aide, je leur dis non, je dis non. Majeur en l'air quand je dis non, je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans. Il sait qu'elle aime, mais elle dit non, elle dit non. Elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéf, donc il dit non, il dit non. C'est simple à comprendre, c'est pas compliqué. Tends bien l'oreille quand je dis non, je dis non. Ouais, ouais, Prince Dad, le seul et l'unique. Chanter tout style de musique.